The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Defendant. L'accusé. Inside. Au sein de. Tribunal. Le tribunal. Defense. La défense. Briefly. Brièvement. Burglary. Le cambriolage. Same floor. Le palier. To press charges. Porter plainte. Following. Suite à. Testimony. Le témoignage. Fingerprints. L'empreinte. Many. Main. Plaintiff. Le plaignant. Spare set of keys. Le double de clé. To start. Entamer. Words. Les dire. Insidious. Insidieux. Face to face. Nez à nez. Misdemeanor. Le méfait. Culprit. Le coupable. Plea. Le plaidoyer. Custody. La détention provisoire. Court hearing. La comparution. Lawyer. L'avocat. Now, a bit faster. Court hearing. La comparution. Culprit. Le coupable. Plea. Le plaidoyer. Plaintiff. Le plaignant. Lawyer. L'avocat. Briefly. Brièvement. Face to face. Nez à nez. Same floor. Le palier. Fingerprints. L'empreinte. Burglary. Le cambriolage. Defense. La défense. To start. Entamer. Same floor. Le palier. Culprit. Le coupable. Tribunal. Le tribunal. Culprit. Le coupable. Insidious. Insidieux. Defendant. L'accusé. Following. Suite à. Tribunal. Le tribunal. Following. Suite à. To start. Entamer. Plea. Le plaidoyer. Testimony. Le témoignage. Misdemeanor. Le méfait. Burglary. Le cambriolage. Defense. La défense. To start. Entamer. Court hearing. La comparution. Face to face. Nez à nez. Inside. Au sein de. Culprit. Le coupable. Many. Main. Court hearing. La comparution. To press charges. Porter plainte. Testimony. Le témoignage. Inside. Au sein de. Insidious. Insidieux. Plaintiff. Le plaignant. Burglary. Le cambriolage. Culprit. Le coupable. Inside. Au sein de. Many. Main. To start. Entamer. Briefly. Brièvement. Burglary. Le cambriolage. To start. Entamer. To press charges. Porter plainte. Spare set of keys. Le double de clé. Now, use the words in context. Porter plainte. Since that non-governmental organization pressed charges against this multinational company, the sales figures of the latter have fallen considerably. Depuis que cette ONG a porté plainte contre cette multinationale, le chiffre d'affaires de cette dernière a considérablement chuté. Main. He tried several times in vain to win her back. Maintes fois, il essaya de la reconquérir, en vain. Entamer. Although the negotiations were started with all parties involved, they led to nothing concrete. Bien que des négociations furent entamées avec toutes les parties concernées, elles n'aboutirent à rien de concret. Le méfait. The pedophile was never brought to justice for his crimes. Ce pédophile ne fut jamais traduit en justice pour ses méfaits. Le plaidoyer. That man's speech for the defense was so remarkable that it made the front page of all the world's newspapers. Le plaidoyer de cet homme fut si remarquable qu'il fit la une des journaux du monde entier. Porter plainte. Since that non-governmental organization pressed charges against this multinational company, the sales figures of the latter have fallen considerably. Depuis que cette ONG a porté plainte contre cette multinationale, le chiffre d'affaires de cette dernière a considérablement chuté. Main. He tried several times in vain to win her back. Maintes fois, il essaya de la reconquérir, en vain. Entamer. Although the negotiations were started with all parties involved, they led to nothing concrete. Bien que des négociations furent entamées avec toutes les parties concernées, elles n'aboutirent à rien de concret. Le plaidoyer. That man's speech for the defense was so remarkable that it made the front page of all the world's newspapers. Le plaidoyer de cet homme fut si remarquable qu'il fit la une des journaux du monde entier.